Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, aujourd'hui les fondations d'entreprises, une émission co-animée comme d'habitude avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, le mécénat fait de plus en plus d'adeptes, à en croire le dernier baromètre annuel de la Fondation de France. En effet, en 20 ans, le nombre de fondations a plus que doublé pour atteindre 2800 structures en 2021. Alors, l'ensemble a engagé près de 12 milliards d'euros de dépenses d'intérêt général. Alors, décryptage de ce développement au cours de cette émission de l'Instant Éco. Alors, on va tenter d'être le plus clair possible, Francine. Lorsqu'on parle de fondation, que faut-il entendre ? Eh bien, Jérôme, une fondation d'entreprise est une personne morale à but non lucratif, c'est-à-dire dont le but n'est pas de générer du profit. Elle est créée par une ou plusieurs entreprises pour réaliser une œuvre d'intérêt général. Et parmi les causes d'intérêt général défendues, on retrouve la volonté de favoriser la transition écologique et de protéger la biodiversité, mais aussi la lutte contre les inégalités, les violences faites aux femmes, la précarité ou la santé morale des jeunes, l'éducation et la culture. Alors merci Francine pour cette définition, mais on va essayer de rentrer dans le détail, car personnellement, je pense qu'il n'est pas évident de faire une distinction donc pour nos auditeurs entre une fondation et une association. Alors, nous allons accueillir un grand nombre d'invités pour cette émission de l'Instant Éco. Tout d'abord, le président de la Fédération Groupama de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Delaire. Bonjour, Monsieur Delaire. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous avons également le représentant de l'association donc NINA, Monsieur Véchambre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous les auditeurs. Et puis donc la présidente de la caisse locale donc du Grand Nancy de Groupama, Nadine Poirel. Bonjour Jérôme, bonjour Francine, bonjour à tous. Alors on va commencer avec vous Monsieur donc Delaire. Merci d'avoir accepté donc notre invitation, car votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre comment s'organise une fondation d'entreprise. Alors Monsieur Delaire, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre fondation ? Alors oui. En 2000, à l'occasion de son centenaire, Groupama a choisi d'incarner ses valeurs mutualistes, de solidarité, de proximité, en créant une fondation dont l'ambition est de vaincre les maladies rares. À cette époque, la lutte contre les pathologies n'est encore quasiment pas prise en compte, et pourtant, elle concerne 3 millions de personnes. Au-delà d'un enjeu de santé publique, les maladies rares sont aussi une question de société. Alors, personnellement, moi, j'ai des difficultés à faire la différence entre une fondation et une association. Alors, pouvez-vous, Monsieur Delaire, m'éclairer sur ce point ? Alors, une fondation est un organisme de mécénat créé par un ou plusieurs donateurs issus du secteur privé au service d'une cause d'intérêt général et à but non lucratif. Ainsi, la fondation agit pour des bénéficiaires en mettant à disposition des biens, des droits et des ressources pour la réalisation d'un projet d'utilité publique. Il existe plusieurs types de fondations selon la mission visée, la nature du fondateur et des moyens disponibles. Une association, elle, est un regroupement de personnes autour d'un projet commun en partageant des activités, centres d'intérêt sans but lucratif. Une association, contrairement à une fondation, n'œuvre pas nécessairement pour une cause relevant de l'intérêt général. Ces deux entités se distinguent également par leur statut juridique et fiscal et leur modalité de gouvernance. Alors, vous pouvez préciser modalité de gouvernance, exactement la différence entre une association et une fondation ? Une association a un président, elle fait son assemblée générale tous les ans. Mmh. Par contre, nous... dans notre cadre, on a un conseil d'administration on a un conseil d'administration qui travaille avec des administrateurs. Mmh. Alors, quelles sont les principales causes que vous défendez au sein de la Fondation Groupama ? Les actions de la Fondation Groupama se concentrent autour de trois axes stratégiques. Premièrement, le soutien à la recherche avec le prix de recherche maladies rares et un soutien à des projets d'envergure menés par des instituts et des équipes de recherche. Deuxièmement, l'amélioration des quotidiens des patients et de leurs familles, avec le prix de l'innovation sociale et l'accompagnement de projets initiés par les associations et institutions. Groupama organise une balade le premier week-end de juin dans chaque département pour répondre à cet objectif. On en parlera tout à l'heure justement de cette balade. Absolument. Et enfin, la sensibilisation des professionnels de la santé et du plus grand nombre de publics. Alors pour ces actions, Monsieur Delaire, on parle bien de mécénat et non de parrainage. Absolument. Il s'agit bien de mécénat car notre entreprise mutualiste œuvre dans l'intérêt collectif et non pour promouvoir la commercialisation d'un produit ou d'un service. Alors vous êtes donc un acteur privé et votre fondation s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'approche dite RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale et environnementale pour le groupe Groupama. C'est bien cela ? C'est bien cela. La RSE est primordiale dans une entreprise et je pense encore plus au niveau d'une mutuelle. Groupama incarne au quotidien cette RSE en proposant des actions concrètes, comme par exemple notre campus ouvert aux collaborateurs pour offrir le meilleur service à nos sociétaires, l'action nationale Les gestes qui sauvent, visant à former en 5 ans 1 million de personnes, ou encore, depuis mars 2022, la signature du programme FAIR pour une communication écologiquement et socialement plus responsable. Alors pour mener ces actions, d'où proviennent principalement vos ressources ? Les actions de la Fondation sont soutenues par toutes les forces vives de notre mutuelle qui mutualisent leurs ressources. Ces dernières peuvent effectivement être financières, mais aussi en donnant de son temps, comme organiser par exemple les balades solidaires dans nos territoires. Nos élus locaux se mobilisent avec les associations maladies rares pour collecter, mais aussi communiquer et sensibiliser le grand public à cette cause nationale que sont les maladies rares. J'en profite pour vous remercier, la radio Fadjet, de m'avoir donné la parole et j'invite tous vos auditeurs, leurs familles et proches à venir le 5 juin prochain à l'une de nos 11 balades solidaires. Celle de Meurthe-et-Moselle se déroulera à Haraucourt. Alors justement, on en parlera tout à l'heure avec Nadine Poirel, hein, donc plutôt à la fin de l'émission. Alors, est-ce que vous êtes accompagné donc, par des salariés donc, qui sont spécialement dédiés à la Fondation ? Alors oui, bien sûr. Les travaux engagés par les élus sont accompagnés par des collaborateurs pour nous guider et coordonner les actions. Il faut d'ailleurs dire que les domaines de maladies rares est très complexe. En effet, on compte plus de 7000 maladies recensées aujourd'hui et à peine une centaine d'associations et quelques centres de référence au niveau national. C'est pour cela que la Fondation Groupama s'est entourée d'un comité scientifique pour expertiser les projets présentés au conseil d'administration de la Fondation, qui lui est composé d'élus. La Fondation Groupama compte effectivement 3 salariés pour l'entité nationale et à Groupama Grand Est, le succès de nos balades solidaires est basé sur la synergie entre élus et collaborateurs de notre grande région. Sans cette proximité entre salariés et le réseau institutionnel, c'est-à-dire les élus, il nous serait impossible d'accompagner autant de projets. Je remercie ces personnes qui consacrent de leur temps, les élus référents mais aussi les collaborateurs, pour assurer le succès des balades solidaires. Mais vous aussi, vous pouvez les soutenir en venant, comme je vous l'ai proposé, à l'une de nos balades. Alors, on va continuer dans quelques instants donc, de parler effectivement de votre fondation. On a l'habitude à l'instant économie donc, de faire une pause donc, musicale. Après cette pause, on accueillera également M. Véchambre, hein, qui est donc un représentant de l'association NINA que vous soutenez. Hein. Mais au préalable, on va écouter donc, une chanson et c'est donc Nadine Poirel qui nous a fait pour ce premier choix musical. Alors nous avons choisi « Il y aura toujours un rendez-vous des enfoirés pour 2022 ». Alors pourquoi ? Parce que la raison d'être de la Fondation, l'organisation des balades solidaires, l'association NINA ont tous un objectif. Faire en sorte que demain soit meilleur pour tous ces malades, petits ou grands, qui supportent leurs maladies rares. Nous devons rester positifs, même dans l'adversité, la peine, et croire en l'avenir. Tous ces petits rendez-vous que l'on se fixe pour remettre un prix afin d'aider la recherche, organiser des manifestations pour obtenir des ressources au profit d'associations. Bref, toutes les actions sont autant de rencontres qui font du bien et qui sont nécessaires pour avancer. Eh bien, on va retrouver donc tout de suite donc, cette chanson « Il y a toujours un rendez-vous » donc des enfoirés. Il y aura toujours un rendez-vous, un combat oublié, toujours un rêve à faire. Il y aura toujours un rendez-vous, un signal à donner à nos amis, nos frères. Une note envolée aux quatre coins du monde, une goutte d'espoir qui inonde. Il y aura toujours un rendez-vous, un sourire à laisser à nos enfants demain. Et ça ira. Voilà, c'était Il y aura toujours un rendez-vous des enfoirés. C'était le premier coup de cœur musical de la Fondation, donc Groupama. Vous écoutez Fadjet. Et oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission l'Instant Écho, eh bien, donc Monsieur Delair, qui est président de la Fédération Groupama de Meurthe-et-Moselle. Et on va continuer donc à découvrir un petit peu les rôles de votre Fondation. Alors, Francine. Alors, Monsieur Delair, travaillez-vous en collaboration avec des acteurs publics pour mener à bien vos différentes actions philanthropiques ? Alors oui, Francine, pour notre mission, nous travaillons en étroite collaboration avec des acteurs de la santé, comme l'hôpital Necker, avec notamment la sensibilisation. Pour le Grand Est, nous sommes en contact avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ou encore l'INRA de Champenoux, avec qui nous avons développé une action pour lutter face aux maladies rares véhiculées par les tiques. Saviez-vous d'ailleurs qu'une piqûre de tique peut véhiculer plus d'une soixantaine de maladies, dont 4 dites rares ? Le mieux est de savoir se prémunir contre les piqûres. Enfin, nous voyons à travers l'organisation de nos balades que la mobilisation des collectivités locales et de nos partenaires locaux est concrète sur le terrain. Alors finalement, quel est votre bilan depuis la création de votre fondation ? Alors notre bilan, depuis 2000, la Fondation Groupama a soutenu près de 200 associations et accompagné plus de 600 projets et plus de 40 chercheurs ou projets de recherche. Les balades et les événements solidaires auront à eux seuls permis de recueillir et entièrement reverser plus de 2 millions d'euros. En 20 ans, plus de 9 millions d'euros ont été apportés à la lutte contre les maladies rares. Cet engagement durable est un pilier de l'action du groupe dans la société civile. Alors merci Monsieur donc Delair pour toutes vos explications. Et maintenant on va essayer de vous expliquer alors comment une fondation apporte son aide à une association. Et pour cela nous accueillons donc Monsieur Véchambre qui est président de l'association donc Nina Un rayon de soleil. Bonjour Monsieur Véchambre. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter donc votre association? Eh bien, écoutez, tout d'abord, donc, je suis M. Véchamp, je suis le président de l'association, mais je suis surtout aussi le papa de Nina. Donc, on voulait déjà vous remercier de nous donner la parole, de parler de notre association. Donc, nous avons créé l'association en 2020, suite au décès de notre fille, donc Nina, qui avait 9 ans. Elle est emportée par la gliomatose cérébrale. C'est un cancer qui est rare, inopérable et incurable à ce jour. Nous nous sommes rapprochés de 4 autres associations avec un objectif commun, d'avoir une levée de fonds pour financer le premier projet de recherche international contre la gliomatose cérébrale. C'est un projet de 300 000 euros pour 3 années de recherche qui a été validé avec le laboratoire ICR à Londres. Mais aussi, notre deuxième objectif, c'est, par le biais d'actions, d'améliorer le quotidien des enfants et de leurs accompagnants à l'hôpital d'enfants Nancy-Brabois. Et tout cela devient possible grâce aux différents événements solidaires que nous organisons ou pour lesquels nous sommes partenaires, comme cette belle marche du 5 juin organisée par Groupama Fondation pour notre association Nina Rayon de Soleil. Alors, comment êtes-vous entré en contact avec la fondation Groupama ? Bah écoutez, tout simplement par une connaissance locale d'une élue Groupama Fondation, donc Madame Nadine Poirel, qui a entendu parler de notre association, de notre combat et qui nous a parlé de ce beau projet. Alors justement, Monsieur Delaire, êtes-vous sollicité par de nombreuses associations ? Doivent-elles déposer des dossiers et comment s'effectue votre choix ? Alors, vous pouvez transmettre des projets directement à la caisse régionale de Groupama via l'adresse email fondation@groupama-ge.fr. Alors, votre dossier sera ensuite étudié selon les critères suivants. Être structuré en association reconnue d'intérêt général, avoir un projet viable et financièrement étayé et bénéficier à un collectif de malades ou d'aidants. En effet, nous souhaitons soutenir un maximum de personnes dont les bénéfices doivent se concerner le plus de monde possible. Ces critères sont essentiels pour nous car nous souhaitons garantir aux marcheurs que leur don sera utilisé pour le projet visé. D'ailleurs, nous demandons aux associations de nous informer de la mise en œuvre du projet. Et c'est toujours un plaisir de voir la réussite d'un projet qui a pu aboutir grâce à la mobilisation collective. Alors justement, Monsieur Véchambre, pouvez-vous nous présenter justement ce qu'a apporté pour votre association donc la présence donc de la Fondation Groupama ? Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, on est une association qui est récente et nous avons besoin aujourd'hui de visibilité pour informer le grand public de notre combat face à la gliomatose cérébrale. Et les balades solidaires Groupama rassemblent énormément et elles vont nous permettre le jour J de sensibiliser les participants. Et pour nous, c'est une aubaine d'avoir été choisi par Groupama Fondation et une grande fierté car cette manifestation va nous permettre de financer les lits d'accompagnants pour le nouveau service onco de l'hôpital Nancy-Brabois. Et alors, bénéficiez-vous d'autres partenariats avec d'autres fondations ou des acteurs publics ? En effet, nous commençons à être sollicités pour des actions différentes avec des partenariats différents. Par exemple, cette année, on a eu la Fondation Cronenbourg qui nous a offert un don à Pâques pour l'achat de chocolat et de cadeaux aux enfants de l'hôpital. Mais aussi une action avec le Crédit Mutuel appelée Lorraine As-tu du cœur, qui nous a permis de récolter une belle somme qui a été dédiée à 100% au projet de recherche. Très bien. Alors on va passer maintenant à notre deuxième coup de cœur musical. Et cette fois-ci, c'est Monsieur donc Véchambre qui a choisi ce coup de cœur musical. Oui, alors je vous propose d'écouter Flou d'Angèle. C'était la chanson préférée de Nina. Eh bien, on va écouter donc tout de suite Angèle, donc Flou. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu flou et j'en ai peur. La suite, on verra. Si ça se trouve, ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu flou et j'en tête en enfer. J'ai peur de perdre la tête en enfer. La suite on verra. Perdre la tête en enfer. J'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou. Voilà, c'était Angèle Flou. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission l'Instant Écho, monsieur donc Delaire, président donc de la Fédération Groupama de Meurthe-et-Moselle, et monsieur donc Véchambre donc pour l'association donc Nina, un rayon de soleil. Alors nous avons tenté d'expliquer au cours de cette émission comment s'établissent les relations entre une fondation et une association. Et pour terminer cette émission, nous allons évoquer une action concrète de la Fondation Groupama en collaboration avec l'association donc Nina, un rayon de soleil. Et pour cela donc nous accueillons Nadine Poirel. Bonjour Nadine. Bonjour Jérôme. Alors, quel est votre rôle précisément? Vous travaillez pour le compte de la Fondation ou pour l'association Nina? Alors, je ne travaille ni pour la Fondation ni pour l'association. Je suis une élue de Groupama, présidente de la Caisse locale du Grand Nancy, dont la mission principale est la mise en place d'actions au profit de nos sociétaires. Prévenir les accidents, représenter l'intérêt de nos sociétaires lors des conseils d'administration, engager des actions de partenariat ou encore soutenir notre Fondation Groupama, vaincre les maladies rares. Mon rôle est donc en lien étroit avec la mission de la Fondation pour lutter contre les maladies rares. Dans cette optique, mon conseil d'administration et moi-même sommes référents de Groupama pour l'organisation de la balade solidaire 2022 en Meurthe-et-Moselle. Alors si j'ai bien compris, il y a donc tous les ans une balade solidaire qui est organisée. Tout à fait. Alors pouvez-vous nous parler plus précisément donc de cette balade solidaire 2022? Alors, elle va se dérouler à Raucourt. Alors, à Raucourt, c'est un petit village de la banlieue nancéenne, à 8 km de Varangéville et de Dombasle. Ce village accueillera donc le dimanche 5 juin 2022 la balade solidaire de Meurthe-et-Moselle, organisée par la Fondation Groupama au profit de l'association Nina, un rayon de soleil. Le rendez-vous est donné à 8h à la salle Barotin de Raucourt, 5 bis rue des Écoles. Cette balade s'étendra sur 4 parcours, de 2,5 km, qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite, 4,5 km, 9,5 km et 13 km. Et cette balade vise à récolter un maximum de fonds reversés intégralement à l'association locale Nina, un rayon de soleil. Ces fonds seront exclusivement issus de dons d'un montant libre effectué par les participants. Alors concrètement, ça veut dire que si on veut participer à cette marche, on se rend à Raucourt, on s'inscrit pour effectivement l'une des 4 balades que vous proposez, c'est ça? Alors, on s'inscrit, mais oui. Pas pour la balade de 2,5 km, 4 km, etc. Ah. C'est-à-dire qu'on est parti pour 2,5 km. Si on veut faire 4,5 km, on pourra faire les 4,5 km parce que vous avez les balades finalement qui se poursuivent. Il y a un moment où on peut bifurquer si on voit que si on était parti pour 13 km et que l'on sent à faire que 9,5 km. Par exemple. Et donc, c'est le cumul des kilomètres effectués par les participants qui permettra ensuite à la Fondation Groupama de reverser des fonds. Non, pas du tout. Lors de l'inscription, chaque participant va donner ce qu'il souhaite en don. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres qui sera parcouru en totalité. D'accord. Et moi, j'ai une question. On est obligé de venir à 8 heures? Non. Alors, on commence à 8 heures. Alors, généralement, c'est ceux qui vont faire le grand parcours qui vont venir à 8 heures. 9, 10, 11 heures. Je pense que 11 heures, c'est vraiment l'heure maximale pour pouvoir faire correctement les parcours et poursuivre éventuellement par le moment de convivialité qui est organisé ensuite. Alors, vous avez mis également donc des animations en place. Oui, nous avons essayé de faire un petit peu d'animation. Il y a un jeu de loi qui sera proposé par la Maison du Sel sur les parcours. Alors, pourquoi la Maison du Sel ? Parce que Harcourt se trouve sur une mine de sel. Alors, quand je parle de mine, c'est la quantité de sel hein, dans le sol et puis dans les villages environnants. Nous avons également prévu de mettre en place un marché fermier avec des produits locaux. Donc, il y aura de la viande, hein, bovin, de la volaille, il y aura des produits laitiers, il y a du miel, il y aura également du vin hein, proposé à la vente. Une belle équipe également que nous parrainons, nous, au niveau de la caisse locale de Grand Nancy, ce sont les Jaguars de Nancy. Alors, très peu de personnes peut-être connaissent ce club de Jaguars, mais c'est un club qui fait du baseball. Donc, ils vont proposer une initiation au baseball. Comme on est près de Saint-Nicolas, nous avons pensé à faire une exposition sur le musée du cinéma et de la photographie. Et enfin, nous sommes également issus du milieu agricole. Donc, nous avons pensé également présenter de vieux tracteurs. Ce sont des tracteurs vendeuvres. Et puis, nous avons un élu qui aime bien les véhicules anciens. Donc, on aura également des voitures. Alors, un moment de convivialité également prévu hein, pour tous avec une restauration. Alors, je tiens également à préciser que les réservations pour cette restauration se font le jour J. Bien. Et donc un soutien logistique, administratif important également, hein, je crois, pour vous aider pour l'organisation de cette marche. Cette marche n'aurait pas pu avoir lieu sans les élus des communes de Harcourt et de Gennelancourt, mais également grâce à l'association Harcourt sur pattes, qui, par l'aide active de M. Masson, nous a permis de tracer ces quatre parcours. Alors, si nos auditeurs sont intéressés par votre association, comment doivent-ils s'y prendre pour vous aider ? Alors, les auditeurs peuvent aller sur notre site internet www.nina-unrayondesoleil.com où vous retrouverez toute notre actualité. Mais ce site permet aussi d'adhérer à notre association pour 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. Vous recevez votre carte de membre valable pendant un an et aussi la possibilité d'y faire un don en bénéficiant d'un avantage fiscal. Une fois que votre don réalisé à l'association, vous recevrez un reçu fiscal en retour et vous pourrez déduire ça de vos impôts. Alors, dernière question, parce que le temps passe très vite. Au niveau donc des associations avec qui vous travaillez, vous pouvez nous évoquer effectivement quelques activités que vous menez ? On est aussi présent énormément sur l'ensemble des réseaux sociaux. Hein. J'invite tous les auditeurs à aimer notre page, comme ça vous pourrez suivre l'actualité. Et pour répondre à votre question, on a plein d'événements à venir, des moments vraiment qui vont allier convivialité et solidarité. Déjà, comme la marche du 5 juin dont on vient d'évoquer. On a aussi la semaine d'après, le 11 juin, à Varangéville, un magnifique tournoi de foot organisé et qui sera clôturé par un match de gala entre le Variété Club de France et les anciens pros de la SNC Lorraine qui viendront jouer un match pour Nina Rayon de Soleil, on en est très fiers. Le 19 juin à Dombasle-sur-Meurthe, on aura un tournoi de hand familial et convivial. Et le 28 août, ça c'est notre fierté, ce sera notre troisième édition de la Zumba. On organise pareil sur le terrain de foot de Dombasle-sur-Meurthe, une Zumba géante. On a fait 200 personnes la première année, on en a fait 300 cette année et on espère faire bien plus le 28 août prochain à Dombasle. Eh bien, merci Monsieur Philippe Delair, Sébastien Véchambre et Nadine Poirel donc, pour toutes ces précisions. On espère donc plein de succès donc, pour vos différentes actions. Merci à tous. Merci. Eh bien, Francine, on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de l'Instant Éco. Mais oui, Jérôme, le mois prochain, sans problème. Eh bien, d'ici là, donc restez fidèles donc à Radio Fadjet.